C'est bizarre, ça coupe. Il y a un retard de par seconde entre le moment où je parle et le moment où je t'entends au téléphone. Non, oui, mais de plusieurs secondes. C'est énorme. Au moins 5 secondes. Ok, on a l'explication, le temps du cycle, d'accord, ok.